الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم مبعوثون يوم القيامة أمام رب العالمين فعليكم بإخلاص الدين لله والتوبة النصوح عباد الله نستمر مرة أخرى مع حديث تمام بن أوس الداري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن معنى النصيحة لكتاب الله ولرسوله وبقي لنا أن نتكلم في معنى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم serviteurs d'Allah craignez Allah et sachez que vous allez être ressuscités au jour de la résurrection devant le Seigneur des mondes alors soyez sincères et purs dans votre religion envers Allah subhanahu wa ta'ala et n'adorez que lui et repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'une repentance sincère serviteurs d'Allah nous allons continuer dans l'explication du hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu qui a été rapporté par l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion c'est la nasiha la religion c'est la sincérité et c'est le bon conseil Et on a dit, ô messager d'Allah, envers qui? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, et il a dit, c'est d'être sincère, et de donner le bon conseil, et d'être sincère envers Allah, envers son livre, envers les dirigeants des musulmans, et envers les musulmans en général. Et nous avons parlé dans la khutba précédente, de la signification de la nasiha envers le livre d'Allah, et envers le messager sallallahu alayhi wa sallam il nous reste maintenant à expliquer et à parler de la signification de la nasiha envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général wa hadha mawdu'un min ahammi al-umur wa khususan fi hadha al-waqt alladhi intashara fihi al-fitan fi kulli makan fa an-nasiha li a'immati al-muslimin أن يعطوا حقهم الذي أعطاهم الله إياه وبينه في القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وذلك بطاعتهم في المعروف. Et donc, ce sujet fait partie des sujets les plus importants, c'est-à-dire de la nasiha envers les dirigeants des musulmans, en particulier à notre époque, puisqu'on sait que les différentes tribulations et les différents problèmes et les troubles se sont propagés et dispersés dans tous les pays. Et donc, la nasiha envers les dirigeants des musulmans, c'est qu'on leur donne leurs droits. C'est qu'on leur donne leurs droits. Le droit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné et qu'il a clarifié dans le Coran et que le messager sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans sa sunnah. Et lorsque aujourd'hui on parle des droits, la plupart des gens pensent toujours aux droits de la population et aux droits du peuple. Et maintenant on entend parler du droit du dirigeant, et ça c'est quelque chose que l'islam nous a enseigné et c'est quelque chose que la plupart des gens à notre époque ignorent et ne connaissent pas. ذلك بطاعتهم في المعروف. Et leur droit c'est quoi? C'est de leur obéir dans le bien. De leur obéir dans le bien. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est satisfait de vous pour trois choses et il est en colère contre vous pour trois choses. Il est satisfait de vous que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, et que vous vous accrochiez et que vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir sur vous le bon conseil. وعن جرير ابن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. C'est rapporté selon Jarir ibn Abdullah al-Bajali que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai donné le serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on allait établir la salat, qu'on allait donner la zakat et qu'on allait donner le bon conseil à tout musulman. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qad ulima min din al-islam annahu la din illa bi jama'a wa la jama'a illa bi imam wa la imama إلا بسمع وطاعة وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. Il a été su, et c'est quelque chose qui est connu dans la religion de l'islam, mais que malheureusement à notre époque beaucoup de musulmans ont négligé ou ont ignoré, c'est qu'il n'y a pas de religion excepté dans l'unité et dans le fait d'être unis et d'être ensemble et d'être un groupe. Et il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'unité excepté avec un dirigeant. Et il n'y a pas de dirigeant excepté avec l'écoute et l'obéissance à ce dirigeant. Et il est connu également dans l'islam que le fait de sortir contre l'obéissance du dirigeant fait partie des plus grandes causes de désordre dans les pays et entre les serviteurs. Et le fait de se détourner de la voie de la guidance dans cette question, c'est une des plus grandes causes de la déviation du chemin de la guidance et de la droite orientation et de l'orientation et du droit chemin. Il a été rapporté par Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un des imams parmi les tabi'in. Il a dit, Wallahi, la yastaqimu ad-din illa bi wulati al-amr. وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. L'imam Al-Hassan al-Basri a dit, par Allah, la religion ne peut pas être établie et être droite excepté par le dirigeant. Même s'il fait de l'injustice Et même s'il est injuste, parce que par Allah, je jure que ce qu'il réforme et ce qu'il corrige est plus que ce qu'il fait comme désordre. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allah سبحانه وتعالى dit: Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: l'obéissance à Allah et à son messager est obligatoire pour chaque personne. Et l'obéissance aux dirigeants est obligatoire par l'ordre d'Allah qui nous a ordonné de leur obéir. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نص في وجوب طاعة ولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. Donc ce verset qu'on a lu, qui nous ordonne d'obéir à Allah, d'obéir aux messagers et à ceux d'entre nous qui détiennent le commandement, c'est un texte clair et explicite au sujet de l'obligation d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, c'est-à-dire aux dirigeants et aux ulama, les savants de l'islam. Et il a été rapporté à ce sujet dans la Sunna authentique plusieurs paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui clarifie que cette obéissance est obligatoire et qu'elle doit être dans le bien. C'est-à-dire qu'elle est obligatoire dans le bien. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ طَاعَةَ الْأَمِيرِ مِنْ طَاعَتِهِ كَمَا قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ يَعْصِينِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرِ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِي الْأَمِيرِ فَقَدْ عَصَانِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit à moi a obéi à Allah, et celui qui me désobéit à moi a désobéi à Allah, et celui qui obéit aux dirigeants m'a certes obéi, et celui qui désobéit aux dirigeants m'a certes désobéi. Donc l'obéissance aux dirigeants fait partie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance du messager. وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وصيته بعد تقوى الله كما في حديث العرباد ابن سارية قال: وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظفرت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وعن أبي ذر أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مخدع الأطراف. رواه مسلم. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, après avoir mentionné la crainte d'Allah, a mentionné l'écoute et l'obéissance du dirigeant dans son conseil qu'il a donné aux sahaba avant sa mort. Et il a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait une exhortation touchante qui a fait couler les larmes de nos yeux et qui a fait frémir nos cœurs. Et l'un d'entre nous a dit: ô messager d'Allah, on dirait que c'est une exhortation d'adieu. Alors donne-nous un conseil, qu'est-ce que tu nous enjoins de faire après toi? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous donne comme conseil après moi d'écouter, de craindre Allah et d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si c'est un esclave éthiopien. Et dans une parole de l'imam ou du sahabi Abi Dhar, il a dit: mon bon ami, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, m'a donné comme conseil d'écouter et d'obéir, même si le dirigeant est un esclave à qui on a coupé les membres ou à qui on a coupé les extrémités. Et il est rapporté également عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك وعلى أثرة عليك رواه مسلم. ومعنى أثرة عليك أو أثرة عليك أي لو أن الحاكم استأثر عليك بحق وهو لك فعليك بالصبر والسمع والطاعة. فهذه بعض الأحاديث في معنى الطاعة لولاة الأمور. Et il a été rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoute et obéis dans les moments faciles et dans les moments difficiles, lorsque tu es en forme et lorsque lorsque tu es motivé et lorsque tu es démotivé ou lorsque tu n'aimes pas quelque chose, et même si c'est contre toi, hein, c'est-à-dire que ça a été expliqué par les ulama et ils ont dit wa atharatin alayka, c'est-à-dire que même si le dirigeant se prend des privilèges et il prend ton droit et il ne te donne pas le droit qui te revient, tu dois faire preuve d'endurance et de patience et tu dois continuer à écouter et à obéir dans le bien, même s'il fait de l'injustice et même s'il te prive de ton droit. Et donc ça, c'est quelques-uns des hadiths qui parlent de ce sujet, au sujet de l'obéissance aux dirigeants musulmans. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ لِلْحَاكِمِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةِ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ إِنَّمَا هِيَ فِي الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى لَا الْخَاصَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il y a des gens qui s'imaginent ou qui pensent que les hadiths qui parlent au sujet de l'écoute et de l'obéissance des dirigeants, que ça ne s'applique pas aux dirigeants actuels ou que ça ne s'applique pas aux dirigeants aujourd'hui. Et ils ramènent comme argument que les hadiths qui sont rapportés à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de l'écoute et de l'obéissance des dirigeants, c'est uniquement concernant le grand imam, c'est-à-dire celui qui va être le khalifa de tous les pays musulmans en même temps, et non pas les dirigeants de chaque pays musulman actuel. Et il n'y a pas de doute que cette parole est totalement fausse et qu'elle contredit le consensus des hommes de science. An Auf ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alayhim wa yusalluna alaykum وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنهم ويلعنكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Donc il a été rapporté selon Auf ibn Malik radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vos meilleurs dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que vous faites des invocations pour eux et ils font des invocations pour vous. Et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous insultez et qui vous insultent. Alors nous dîmes: ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre avec l'épée à ce moment? Il dit non, tant qu'ils ont établi parmi vous la salat. Et il dit ensuite que celui à qui, hein, ou que celui qui est sous l'autorité d'un dirigeant et qu'il voit ce dirigeant faire quelque chose de désobéissance envers Allah, qu'il déteste ce que ce dirigeant a fait comme désobéissance envers Allah, mais qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعض أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكْ وَأَخَذَ مَالَكْ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. Et il a été rapporté par l'imam muslim que le messager d'Allah a dit selon Hudhayfa ibn al-Yaman, il a dit: il y aura après moi des dirigeants qui ne vont pas suivre ma guidance, et qui ne vont pas suivre ma sunna comme exemple. Et il y aura parmi eux des hommes dont les cœurs seront comme les cœurs des diables dans des cœurs d'humains, dans des corps d'humains, des cœurs de diables dans des corps d'hommes. Alors je dis, ô messager d'Allah, que devrais-je faire si une telle chose m'arrive, ou si je vois telle chose? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, et il a dit, tu dois écouter et obéir aux dirigeants, même s'il frappe ton dos, même s'il prend ton bien, écoute et obéis. Et وعن علقمة ابن أبي وائل رضي الله عنه الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعنا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Il a été rapporté selon Alqama ibn Abi Wa'il al-Hadrami, selon son père. Il a dit, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, vois-tu si on a sur nous des dirigeants qui nous demandent leurs droits, mais qui nous refusent nos droits? Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire dans ce cas-là? Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Alors il lui a posé la question encore une fois. Il s'est détourné de lui. Alors il lui a posé la question encore une fois, une deuxième et troisième fois. Alors Al-Ash'ath ibn Qais l'a tiré vers lui. Et il a dit, écoutez et obéissez. Parce que ces dirigeants auront apporté le poids de leurs fautes et vous aurez apporté le poids de vos fautes. C'est-à-dire chacun sera responsable au jour de la résurrection. Et si eux, c'est-à-dire ces dirigeants, n'ont pas respecté leur devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va les juger. Tandis que vous, si à cause de leur injustice, vous refusez de donner le droit qui leur appartient, eh bien vous serez punis aussi dans ce cas-là. Donc faites ce qui est obligatoire pour vous, et Allah subhanahu wa ta'ala ne vous punira pas pour ce qu'ils n'ont pas fait de bien ou ce qu'ils ont fait de mal. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من كيف تأمر من منا أدرك ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Donc il a été rapporté selon Abdullah رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, il y aura après moi des dirigeants qui vont se donner des privilèges, qui vont prendre leurs droits, mais qui ne vont pas donner le droit à ceux qui ont des droits sur eux. Et vous allez dénoncer ou condamner certaines choses qu'ils font. Vous allez voir que certaines de leurs actions, certaines des choses qu'ils font sont mauvaises. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire si un d'entre nous arrive et voit des choses pareilles? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous rendez le droit qui est sur vous, c'est-à-dire le droit que vous devez donner, donnez-le, et demandez à Allah pour vos droits. C'est-à-dire si le dirigeant vous refuse vos droits, demandez-le à Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Il a été rapporté sur Abdullah ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'écoute et l'obéissance est obligatoire aux musulmans dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste tant qu'il n'est pas ordonné de faire un péché. Mais s'il est ordonné de faire un péché, alors il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance dans ce cas-là. والغريب أحيانا مما نرى من المسلمين أحيانا في هذا الزمان أنهم يطيعون ولاة الأمور في المعصية ويمتنعون عن الطاعة في المعروف. يعني qu'est-ce qui est étrange à notre époque et qu'est-ce qu'on remarque de certains musulmans, c'est qu'ils obéissent aux dirigeants dans le péché et dans ce qui est haram, lorsqu'ils leur donnent de faire un péché, mais lorsqu'ils leur donnent de faire le bien, ils ne lui obéissent pas. Et ça, c'est le contraire de ce qui est ordonné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. L'obéissance n'est uniquement que dans le bien. Et il n'y a pas d'obéissance à une créature d'Allah dans la désobéissance du Créateur, c'est-à-dire dans la désobéissance d'Allah. Et pourtant, aujourd'hui, à notre époque, on obéit dans la désobéissance et on refuse d'obéir dans le bien. وعن عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté selon Ubadah ibn Samit, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous a fait prendre un serment d'allégeance. Et parmi les clauses de cette allégeance, il y avait que on devait donner l'allégeance sur l'écoute et l'obéissance. Dans les moments de motivation, dans les choses qu'on aime et dans les choses qu'on n'aime pas, dans la facilité et dans la difficulté, et même si c'est contre nous, c'est-à-dire même s'il y a des privilèges qui sont pris sur nous, hein, dans les choses de la dunya, et de ne pas disputer l'ordre ou le commandement à celui qui le détient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, afala nunabidhum, hein, ou bien est-ce qu'on ne doit pas les combattre? Et dans une autre, dans ce hadith, il dit, hein, tantôt il avait dit, ma uqimat as-salat, ou ma aqama fikum as-salat, tant qu'ils ont établi parmi vous la salat. Et dans ce hadith, il dit, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. C'est-à-dire que s'il y a une preuve claire, d'un kufr clair, apparent, hein, clair comme le soleil, alors dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux musulmans de sortir contre le dirigeant, dans le cas où le dirigeant a fait un kufr qui est clair et explicite. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء خُطُورَةَ التَّكْفِيرِ وَأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ وحذروا من الخروج على الحاكم وإن كان الحاكم كافرا وحرموا الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا إذا ترتب على الخروج عليه فساد أكبر مثل سفك الدماء وقتل الأبرياء والفساد في الأرض. Et donc les ulama ont clarifié le danger du takfir, c'est-à-dire de déclarer quelqu'un parmi les musulmans comme étant mécréant. Et c'est ça ce qu'on voit apparaître, c'est ça ce qu'on voit être fait de la part de plusieurs jeunes et de la part de plusieurs ignorants qui font le takfir des dirigeants, qui font le takfir des ulama et qui font le takfir de la population musulmane. Et ils ne savent pas que ça c'est quelque chose qui est du domaine des ulama, de faire le takfir et de savoir les conditions du takfir et les règles du takfir, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, et que seuls les ulama comprennent et connaissent. Et de même qu'ils ont expliqué, c'est-à-dire que les ulama ont expliqué que de se révolter ou de se rebeller ou de sortir contre le dirigeant, hein, même lorsqu'il est mécréant, c'est quelque chose qui est interdit. Même lorsque son kufr est clair, si les conséquences de cette révolte ou de cette révolution ou du fait de sortir contre lui va ramener des conséquences plus graves, c'est-à-dire que le sang des innocents va couler et qu'il y aura plus de désordre dans la société et qu'il n'y a plus de paix et plus de tranquillité et plus de, et plus de stabilité et plus de et personne ne pourra être en sécurité dans ses biens, dans son honneur et dans sa personne. Et donc, ولكن مع الأسف كثير من الناس في زماننا يخالف الكتاب والسنة ويخالف إجماع السلف على وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن جاروا وظلموا كما هو موجود في كتب عقائد السلف وكثير منهم اليوم تأثروا بمنهج الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الحكام والعلماء والمسلمين أجمعين ويدعون إلى الفساد في الأرض ويفسدون. Et malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui ont contredit le Coran et la Sunna et le consensus des salafs de cette Ummah au sujet de l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants et de les respecter, d'écouter et d'obéir à leurs ordres dans le bien, même s'ils sont injustes. Hein? Comme c'est mentionné dans les livres de la Aqida des salafs et des pieux prédécesseurs, et on voit beaucoup de gens à notre époque ont été influencés par les idéologies des Khawarij et des Mu'tazila qui font le takfir des dirigeants et des ulama et des musulmans en général et qui font le désordre sur la terre. وممن سلك هذا المسلك أصحاب الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير والقطبية والقاعدة والسرورية وكذلك من يقلد الغرب في أفكارها الملحدة الشيطانية كالديمقراطية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية وغيرها التي تدعو إلى إقامة ثورات في العالم باسم الحرية والمساواة وكل هذا يخالف النصيحة لولاة الأمور. Et qu'est-ce qu'on a vu également parmi les groupes qui ont suivi la voie des Khawarij à notre époque, les gens qui suivent les différents groupes de Hizbiyya à notre époque, comme les sectes suivantes, celles des frères musulmans et celles de Hizb al-Tahrir et le groupe de la secte de Al-Qaïda et Al-Qutbiyyin et Al-Sururiyya, tout ça sont différents groupes à notre époque qui suivent la mentalité et les idéologies des Khawarij qui font le takfir et qui appellent aux révoltes dans les pays musulmans et qui appellent à faire le takfir des dirigeants musulmans. De même que ceux qui ont été influencés par les idéologies occidentales et qui sont athées et diaboliques, comme la démocratie, la laïcité, le socialisme et le communisme, et d'autres parmi ces différentes idéologies qui appellent à faire des révolutions dans le monde, au nom de la liberté et de l'égalité, alors que toutes ces voies sont en contradiction avec la nasiha envers les dirigeants et en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ويقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضرب عنقه كائنا من كان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à rester unis et à ne pas se diviser. Et parmi ses paroles, il a dit: celui d'entre vous qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il déteste, qu'il soit patient avec lui. Et parce que s'il se sépare de la jama'a, yani d'une courte distance, hein, même d'un centimètre, eh bien, s'il meurt dans cet état, il meurt dans un état qui est semblable à la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: celui qui vous vient, alors que vous êtes unis autour d'un seul homme, c'est-à-dire que vous avez un dirigeant et que vous êtes unis autour de lui, et qui veut diviser votre union, et qui veut vous séparer, alors frappez-lui le coup, peu importe qui il est. C'est-à-dire les gens qui veulent faire le désordre et la fitna dans les pays musulmans et se révolter contre les dirigeants pour prendre le pouvoir ou faire des coups d'état ou des révoltes ou bien essayer de le remplacer en faisant des partis et des choses de ce genre, alors il a ramené la voie de la jahiliya. Parce que dans l'islam, lorsqu'il y a un dirigeant, il n'est pas remplacé excepté lorsqu'il meurt, comme c'était arrivé à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq. Il n'y a personne qui est venu prendre le pouvoir à Abu Bakr al-Siddiq. Il n'y a pas eu des élections. n'y a pas eu de vote pour dire, ok, Abu Bakr, ça y est, c'est fini maintenant. Tu quittes le khilaf, on va remplacer quelqu'un après 4 ans. On va mettre un nouveau dirigeant. Et la même chose avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Quand il était au pouvoir, il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Il n'y a personne qui est venu pour dire, ça y est, maintenant, ça fait 4 ans, il faut qu'on te remplace, on va faire des élections. Ou bien on va faire un coup d'État. La même chose avec Othman. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Othman ibn Affan, radiallahu anhu? Justement, c'est ce que les Khawarij ont ramené. C'est qu'ils se sont tous mis ensemble et qu'ils se sont révoltés contre lui et ils l'ont assassiné. Et donc ça, c'est l'action des Khawarij. Et ce sont eux les premiers à avoir ramené cette voie parmi les musulmans. Et c'est eux qui ont commis plein d'actes d'atrocités, de révoltes dans les pays musulmans et qui ont assassiné et tué et fait couler le sang des musulmans. قال بعض السلف من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقر له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو غلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات مات الخارج ميتة جاهلية. Donc les imams des salafs, ils ont dit, celui qui sort contre un dirigeant parmi les dirigeants des musulmans, alors que les gens sont unis autour de lui, et qu'ils l'ont accepté comme étant un khalifa, peu importe comment il a eu le pouvoir, que ce soit parce que les gens étaient satisfaits de lui, ou parce qu'il a pris le dessus sur les autres, alors celui qui sort contre lui, qui se révolte contre lui, il a brisé l'unité des musulmans. Et il a contredit les textes qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il meurt, il meurt dans un état de la jahiliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, à propos de celui qui sort contre le dirigeant, il a dit « فَقَدْ خَلَعَ رِقْبَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ » C'est-à-dire, il a retiré de son cou le collier qui le rattache à la umma des musulmans. Et donc, on voit que dans l'islam, il n'y a rien qui supporte le système électoral des koufars avec leur démocratie. Ou bien qui essaie de prétendre que c'est la majorité qui doit décider, ou juger, ou voter, ou de choisir les lois, ou de choisir le dirigeant. Et donc, on connaît dans l'islam les méthodes et les façons comment le dirigeant doit être choisi. Et on en a donné l'exemple avec l'exemple de Abu Bakr, avec l'exemple de Omar ibn al-Khattab, avec l'exemple de Uthman et avec d'autres exemples également qui ont été mentionnés par les ulama. Et parmi les conditions pour qu'on donne la nasiha, parce que quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas de la part du dirigeant et qu'on veut changer, au lieu de faire des manifestations, de faire des révoltes ou de faire des coups d'État ou des choses de ce genre, l'islam nous a enseigné la meilleure des méthodes. Et cette méthode, c'est la nasiha, c'est-à-dire que tu vas donner à ce dirigeant le bon conseil. Et pour donner le bon conseil à ce dirigeant, il y a des conditions. Parmi les conditions, la première, c'est d'être doux et de lui donner la nasiha avec douceur. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit par exemple à Moussa alayhi salam, lorsqu'il est allé voir Pharaon pour lui donner la nasiha, il a dit à lui et à son frère Haroun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Allah a dit à Pharaon, plutôt Allah a dit à Moussa et à Haroun, lorsque vous allez voir Pharaon, qui était un des plus grands parmi les tawarites, un des plus grands parmi les injustes et les tyrans, et qui se déclarait même Dieu, il lui a dit, allez vers lui et dites-lui une parole douce. Peut-être qu'il va se rappeler ou peut-être qu'il va craindre. Hein? Et ça, c'est la première condition. Est-ce qu'il y a un dirigeant, injuste fut-il, à notre époque, qui pourrait être comparable dans l'injustice avec Pharaon? Certes non. Et donc, que dire si c'est un dirigeant musulman qui commet des péchés ou qui a des fautes? Est-ce qu'on va lui parler d'une manière qui est moins respectueuse et moins douce que Pharaon? Non, jamais. Une autre condition également, parmi les conditions pour donner la nasiha au dirigeant, c'est qu'elle doit être faite en secret, c'est-à-dire en privé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man arada an yansah li sultan bi amrin fala yubdihi ala niyatan walakin liya'khuz bi yadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana adda alladhi alayhi. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut donner la nasiha à un dirigeant à propos de quelque chose, qu'il ne le fasse pas publiquement et qu'il ne le divulgue pas ouvertement. mais qu'ils le prennent par la main et qu'ils restent en privé avec lui et qu'ils lui disent la nasiha. S'il accepte de lui, alors c'est ça, c'est, il a fait son devoir. Et s'il n'accepte pas, il a rempli. S'il accepte, donc alhamdulillah, c'est le bien, c'est ce qu'on voulait. Mais s'il refuse d'accepter la nasiha, il a fait ce qui était obligatoire pour lui. Et donc ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Et si on n'est pas capable nous-mêmes de faire parvenir la nasiha au dirigeant en question, on peut passer par quelqu'un pour lui remettre la nasiha, ou demander à quelqu'un qui est proche de lui ou qui peut l'atteindre pour lui faire parvenir cette nasiha. Et si on n'est pas capable d'aucune façon, eh bien dans ce cas-là, yani, on n'est pas puni par Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'on a essayé ce qu'on pouvait faire pour lui faire la nasiha et qu'on n'a pas été capable. Donc on ne fait pas la nasiha en public contre le dirigeant, et on ne parle pas sur le mimbar contre les dirigeants, et on ne les insulte pas publiquement, ni dans les médias, ni dans la télé. Ça, c'est la méthode de l'islam, et non pas la méthode des koufars. Et ceux qui ont contredit la voie de l'islam à ce sujet-là, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, regardez qu'est-ce qui a été le résultat de leur situation. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Algérie. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Syrie et qu'est-ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui s'est passé au Yémen. Regardez ce qui s'est passé au Pakistan. Regardez partout où il y a des gens qui contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le manhaj des salaf, on voit qu'il y a le sang qui coule et le désordre et la corruption. Et qui est-ce qui encourage ça derrière tout? Hein, derrière toutes ces actions-là, qui est-ce qui est derrière et qui est-ce qui encourage les gens à faire ça parmi les gens de l'égarement dans les pays musulmans? C'est les koufars, les ennemis de l'islam, qui financent ces groupes, qui financent ces individus, qui financent ces égarés à faire des actes de terrorisme, à faire du désordre dans les pays musulmans pour déstabiliser la situation politique des pays musulmans et créer le désordre et le chaos et ramener les musulmans à l'humiliation et à l'abaissement. Et donc si on veut la fierté et la force et la puissance, il n'y a pas d'autre voie que de revenir à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses ordres, et à suivre l'exemple de nos salafs salih et à respecter les enseignements de l'islam, et non pas à suivre les exemples des koufars et des mushrikins. Allahumma a'izza l'islam wa al-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى